C'est SRI, quartier rouge. Ok, les premiers sont les derniers. Les derniers sont les mièvres, ceux qu'on boycotte comme des lépreux. Les premiers sont les miédères, les terres sont des terres. Arracher la couronne, le titre sur la tête de mon père. Je suis trop fier pour lécher le cul de mon boss. Je me contente mon table de charisme, un peu de camas. Souvent je me perds, me demande où se trouve mon salut. L'alcool me chiffonne et somnole sur talus. Moi j'ai esclave, moi j'ai maître, esclave du système moderne, maître de moi-même. Quand le mic je m'amène, trop de rappeurs pleurent dans mes oreilles. Qu'ils aillent chier dans leur pampers ou sniffer du poppers, rescapé du cauchemar dans lequel je t'ai enfermé. Mais demande pas un aveugle de t'indiquer le chemin. Je bouge dans l'ombre, je suis pas la star comme Cristiano. Je préfère passer inaperçu comme Branko Boskovic ou les espions moscovites. Je cours trop vite, arrête, je profite de ces quelques mesures. Ma voix à l'usure, le début du refrain, sonne biblique. Ça a rien à voir, je t'explique, c'est juste ma chronique. Je contemple mes contemporains avec ironie. Ça suce pour un crâne d'estime ou ça chale pour toucher une prime. Prime, je marche, deux ans j'avance, tertio c'est droit devant. Je suis pas César, mais file-moi mon art. Les premiers sont les derniers sont les mièvres, ceux qu'on boycotte comme des lépreux. Les premiers sont les miédères, les terres sont des terres. Arracher la couronne, le titre. Les premiers sont les derniers sont les mièvres, ceux qu'on boycotte comme des lépreux. Les premiers sont les miédères, les terres sont des terres. Arracher la couronne, le titre. Le titre, les jams, l'argent, ouais, ouais, la jokai. Mais. C'est pas juste ça mon pote, la liberté porte une cargo. Faut votre reconnaissance, vos critiques de merde sont pas les couilles. Le quartier rouge avance quand même. Besoin de personne. Si on est à la place du mort, ça veut dire chose qu'elle. Ouais. Esprit vandal, volume de mon frère, de mon frère. Et c'est rien. Notre début, c'est votre fin. Fin de votre ouais. SRI, KORSE alias personne, quartier rouge. Ouais, 1480 secteur, 947 ouais. Val de Fontenay.